Alors, j'ai rien contre les youtubeurs, même si moi je ne suis pas un, mais on fait tout comme, hein. Alors, you, vous, en anglais, vous, tube. Tube you, YouTube, pouyud. Non, mais il faut le dire avec ses vues, tout ça. Il y a le youtubeur et le youtubeur. Franchement, un youtubeur qui a 1 million de vues, c'est un bon youtubeur. Un bon youtubeur qui commence avec une vue, c'est un petit youtubeur, tu vois. Il n'est pas... Voilà la différence, ça fait. Donc, tu vois, je suis tombé sur une vidéo de Rémi Gaillard qui donnait en publicité des sous, vas-y, à gauche, à droite, tout ça, à déjà des inconnus, tu veux combien, 100 balles, t'es, prends 100 balles, tout ça. Et là, je fais tilt, tu vois, je me dis, mais putain, il fait, je vais sur YouTube, je regarde une vidéo avec une pub qui donne des thunes, mais ça m'a fait quelque chose, oui. Et là, je me dis, punaise, mais maintenant avec YouTube, on peut faire des dons, tout ça. Et mais c'est incroyable. Il gagne avec des vues, des pouces bleus, ils sont mieux référencés. C'est quoi ce... Mais c'est quoi la relation? Je me suis dit, mais c'est obligé, il doit y avoir une relation là-dedans. C'est pas possible, ce mec, il est terrible. Et là, je me dis, putain, mais si t'inverses la situation, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai dit... Mais attends, je vais voir une vidéo sur YouTube. En fait, le mec, il est là, il est sur YouTube comme sur le trottoir et je lui file, tiens, prends une vue. Ouh, tu m'as vu? Je suis passé à côté de toi. Ouh. Et ben, mais c'était... Tiens, tu veux 10 balles? Allez, tiens, je te fais un don de 10 balles, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que c'est cette nouvelle plateforme? Mais ça prend des dimensions incroyables. Enfin, voilà. Je sais pas. Je sais pas vous dire, voilà, ça m'a fait penser à quelqu'un qui demande de l'argent dans la rue, tout ça, pour manger, pour parce qu'il a froid, il veut s'habiller, tout ça. Et j'ai fait cette relation-là. Mais c'est terrible, j'étais obligé de vous le partager, j'en reviens pas.